Lettre 23e. Personne remarquable, personne distinguée, dame métaphysicienne. Nous avons passé hier la soirée chez une dame qui nous avait été présentée dans les termes suivants. Vous pouvez être sûr de rencontrer chez Madame de V beaucoup de personnes remarquables. Ce genre de recommandation serait, je crois, partout celle qui jetterait le plus piquant intérêt sur une nouvelle connaissance. Mais elle fait cet effet à Paris plus que partout ailleurs, car cette agréable capitale attire dans son sein une réunion de personnes remarquables tirées d'une variété de nations, de classes et d'opinions dont on n'a nulle idée dans aucun autre lieu du monde. Néanmoins, par le terme de personnes remarquables, il ne faut pas croire absolument que l'on veuille entendre des personnages tellement célèbres que leur seule vue serait un objet de curiosité pour tout le monde. Cette phrase varie au contraire de valeur et de sens selon les sentiments, les facultés et le rang de celui qui s'en sert. Chaque société a des personnes remarquables qui lui sont propres, et je commence déjà à reconnaître qu'elle est, dans les diverses maisons où je suis reçu, le genre de personnes remarquables que je dois m'attendre à y rencontrer. Quand Madame A, en me voyant entrer dans son salon, me dit à l'oreille « Ah, c'est bon, j'aurais été bien fâché si vous m'aviez manqué. Il y a ce soir une personne bien remarquable qu'il faut absolument que je vous présente. Je suis sûr d'avance que je vais voir un homme qui a été maréchal, ou duc, ou général, ou médecin, ou acteur, ou artiste, au service particulier de Napoléon. Si c'est Madame B qui se sert de la même phrase, je n'en suis pas moins certaine qu'elle va me présenter quelque doctrinaire, bien content de lui-même, qui a obtenu une belle place, ou à qui, du moins, elle vient d'être promise grâce à la promptitude avec laquelle il s'est rangé du côté du vainqueur. Madame C, au contraire, ne daignerait pas honorer de cette épithète toute personne qui s'occuperait d'intérêts matériels ou terrestres. Nul n'en est digne à ses yeux qu'un philosophe qui a pâli sous les efforts qu'il a faits pour concilier les idées paradoxales ou pour découvrir un élément nouveau. La charmante, tranquille, gracieuse, douce Madame D ne l'applique jamais qu'en parlant d'un ministre, d'un gentilhomme de la chambre, d'un ami ou d'un fidèle serviteur de la dynastie exilée. Quant à la grande Madame E, aux épais sourcils noirs, aux lèvres serrées, au sourire sinistre, bien qu'elle prétende que dans son salon elle reçoit avec le même plaisir les hommes de talent de tous les partis, je suis bien sûr qu'elle est fort indifférente à toute illustration qui ne puisse pas ses titres de gloire dans les grandes et immortelles iniquités de quelques révolutions. Elle est encore trop jeune pour avoir eu rien de commun avec la première, mais je ne doute pas qu'elle n'ait pris une large part à la seconde, et je parierais bien en outre qu'elle ne connaîtra de repos, ni la nuit ni le jour, tant que l'on ne sera pas parvenu à en faire une troisième. Si ses espérances sont trompées à cet égard, elle mourra certainement d'inanition, car elle ne se nourrit que de pensées séditieuses contre toute autorité constituée. Je sais que je lui déplais, et je soupçonne que si elle m'a fait l'honneur de m'admettre en sa présence, c'est seulement pour avoir l'occasion de débiter devant moi des choses qu'elle croit devoir m'être désagréables. Ainsi, par exemple, je crois qu'elle s'est imaginé que je n'aime pas à me trouver avec des Américains, mais elle se trompe en cela comme en presque toutes ses idées. À dire vrai, je n'ai jamais été témoin ni n'ai entendu parler d'un fanatisme égal au culte que cette dame porte à la destruction. La règle qui sert de guide en toute chose à son jugement est que tout ce qui existe est mal. Il suffit pour elle qu'une loi soit rendue sur un sujet quelconque pour qu'elle la trouve détestable, et je ne serais pas étonné si demain la République, qui est son idole, mais laquelle elle ne comprend pas plus que son petit chien, si la République, dis-je, était proclamée demain en France, que nous nous la vissions le jour d'après brodant de ses propres mains un manteau fleur-de-lysé pour un roi légitime. Les personnes remarquables de Madame F sont presque toutes des étrangers de la classe philosophico-révolutionnaire, de ces messieurs qui ne se trouvent pas bien chez eux et qui, d'après cela, aiment mieux être remarquables et remarqués à quelques cent lieues de leur patrie. Madame G ne connaît de personnes remarquables que parmi les musiciens. « Croyez-moi, madame, dit-elle, il n'y a que monsieur pour toucher du piano. Vous n'avez pas encore entendu Mademoiselle F, mais quelle voix! Oh, elle va faire une fortune immense à Londres. » Les connaissances de Madame H ne sont pas aussi remarquables par leurs individualités que par les contrastes qu'elles présentent les unes avec les autres. Elle prend un plaisir particulier à voir réunies chez elle des personnes qui, si elles se rencontraient tout autre part, ne demanderait pas mieux que de s'envoyer une balle dans la tête. Il faut convenir que c'est là une idée fort étrange, mais il n'en est pas moins vrai que malgré cela, ces soirées sont charmantes. Les amis de Madame I ne sont pas remarquables, ils sont distingués. On se figurerait difficilement combien j'ai rencontré chez elle de Polonais distingués. Je vous fatiguerais si je suivais ainsi tout l'alphabet. Revenant donc au point d'où j'étais parti, je vais vous conduire avec moi à la soirée de Madame de V. Une société nombreuse est toujours une sorte de loterie, où selon que la fortune vous est favorable ou contraire, les voisins auprès desquels le hasard vous place se trouvent être des personnes aimables ou non. Je ne crois pas avoir pris hier au soir un lot gagnant, et si la fortune veut me dédommager, il faudra qu'elle me place ce soir à côté d'une des personnes les plus aimables de Paris. Si j'étais pendant 8 jours de suite aussi malheureuse que je l'étais hier, je ne sais si je ne quitterais pas le pays de désespoir. » Une dame, que je n'avais jamais vue auparavant, traversa le salon, aussitôt que je fus arrivé, pour venir s'asseoir à côté de moi, et ayant rencontré Madame de V en route, elle me fut présentée avec toutes les formes requises. J'étais placé sur un sofa à côté d'un vieillard, avec qui nous sommes fort liés, et dont la conversation pour moi un charme particulier. Il venait de s'asseoir, quand ma nouvelle connaissance vint se faufiler entre nous deux en disant « Pardon, monsieur, ne vous dérangez pas, mais si madame voulait bien me permettre… » Et avant qu'elle pût achever, ma vieille connaissance était bien loin et ma nouvelle tout à côté de moi. Elle entama la conversation par quelques mots fort obligeants sur le désir qu'elle avait de faire ma connaissance. « Je serais bien aise, dit-elle, de raisonner avec vous. » Je saluai, mais en tremblant intérieurement, car je n'ai pas à raisonner, surtout avec des dames remarquables. « Oui, continua-t-elle, je désire raisonner avec vous sur divers sujets d'un intérêt majeur pour nous tous, sur des sujets à l'égard desquels il est possible qu'en ce moment nous pensions différemment, mais sur lesquels je suis sûr que nous serons d'accord, si vous voulez seulement m'écouter. » Je fis en souriant un second salut, et je murmurai quelques phrases de politesse, de l'air le plus content qu'il me fut possible de prendre. Je songeais que Paris était bien grand, et qu'il me serait facile d'échapper à l'avenir aux leçons de ce professeur, si elles ne me convenaient pas. À dire vrai, cependant, il y avait dans les regards et dans les manières de ma nouvelle amie quelque chose qui ne laissait pas que de m'alarmer un peu. Elle est pourtant assez jolie, mais ses yeux étincelants ne sont jamais tranquilles. Elle est d'ailleurs de ces personnes qui cherchent à ajouter par des gestes à l'éloquence de leurs paroles et qui vous touchent continuellement en vous parlant. S'il avait été un homme, elle aurait pris tous ses amis par le bouton de leur habit, mais à présent elle ne peut que vous poser les doigts avec force sur le bras ou vous tirer par la manche de votre robe s'il lui paraît que vous ne lui accordez pas toute l'attention qu'elle se croit en droit d'exiger. Vous êtes légitimiste, quel dommage, hein, vous souriez? Mais si vous saviez le tort incalculable que l'on fait à l'intelligence en lui imposant des chaînes. Remarquez bien que mes études se bornent à un seul sujet, à la philosophie de l'esprit humain. La métaphysique a été, depuis mon enfance, le grand but de ma vie. Elle avait tout au plus 28 ans. Et pourtant, quelquefois, j'ai la faiblesse de me détourner de cette noble étude pour contempler les flots troublés des affaires du monde qui coulent devant moi. Mon intention n'est pas de traiter à fond la politique, je n'en ai pas le temps, mais j'en vois assez pour me dégoûter du despotisme et de la légitimité. Croyez-moi, il resserre l'esprit, et soyez bien assuré qu'une succession constante de changements politiques maintient les facultés d'une nation sur le qui-vive, et considérées d'une façon abstraite, comme des opérations de l'esprit, ne peuvent manquer de lui être infiniment plus avantageux que l'état d'assoupissement qui résulte d'une même position, quelle qu'elle soit, quand elle se prolonge pendant trop longtemps. Elle tenait le dé, il ne me restait qu'à me taire. Je pris donc avec résignation la résolution d'écouter avec toute la patience dont je serais capable, jusqu'à ce que je trouvasse une occasion favorable de changer de place. J'ai déjà bien souvent, et en divers pays, entendu débiter force sottise, mais je puis vous assurer que jamais de ma vie je n'ai entendu, ni probablement n'entendrai de nouveau, une profusion d'absurdités telles qu'en contenaient les discours de cette dame. Et pourtant, on m'a certifié que dans bien des sociétés, elle passe pour une femme de génie. Ce serait en vain que j'essaierais de me rappeler de traduire en anglais tout ce qu'elle m'a dit, mais dans le nombre de ses discours, il y en avait qui réellement méritent d'être conservés. Après avoir ainsi rompu une lance contre l'autorité, elle s'interrompit en s'écriant « Mais après tout, qu'importe. Quand une fois vous vous êtes consacré à l'étude de l'âme, toutes ces petites distinctions paraissent si frivoles. Je me suis adonné tout entière à cette étude de l'âme et ma vie se passe dans une suite d'expériences qui, pourvu que ceci ne s'use pas, montrant sa tête, devront nécessairement, je pense, me conduire à quelques découvertes importantes. » Comme elle s'arrêta pour un moment, je crus devoir glisser un mot, et je lui demandai de quelle nature étaient les expériences dont elle parlait. À quoi elle répondit « Principalement sur l'anatomie comparée. Ce n'est qu'en se livrant à des expériences suivies que l'on comprend les résultats extraordinaires auxquels on arrive par ce mode d'investigation, le meilleur et le plus sûr de tous. Prenez une souris, par exemple. Ah, madame, croiriez-vous que la formation d'une souris puis jeter de la lumière sur la théorie du plus noble sentiment qui anime le cœur de l'homme, de la valeur. Cela est pourtant vrai, je vous l'assure. C'est là le triomphe de la science. En épiant les pulsations de ce chétif animal, ajouta-t-elle en me serrant le poignet, nous avons fait un pas immense vers la connaissance des intéressants phénomènes que présente la passion de la peur. En ce moment, mon vieil ami revint. Mais je vis bien qu'il désespérait de pouvoir reprendre sa place. Il était sans doute curieux de savoir comment je m'arrangeais de ma métaphysicienne. Il y avait infiniment d'esprit dans le regard qu'il me lança en disant « Eh bien, Madame Trollope, est-ce que Madame X vous inspirait l'ambition de la suivre dans ses études sublimes ?»« Je crains qu'elle ne soit au-dessus de mes forces, » répondis-je. Sur quoi Madame X se lança de nouveau dans les éloges de sa science, qui était la seule science qui en mérita le nom, une science qui... Ici, mon ami le vieillard s'éloigna encore en se glissant derrière un plateau de glace, et je ne tardai pas à l'imiter. Car ayant été fort occupé toute la journée, j'étais très fatigué, si fatigué que je craignais de m'endormir dans le moment même où Madame X s'efforçait de réveiller en moi le sentiment d'une intelligence plus sublime. Je n'ai pas répété la moitié des choses qu'elle m'a dites, mais je pense que vous serez d'avis que je vous en ai dit assez. Je n'ai jamais auparavant rien rencontré d'aussi éminemment ridicule que sa conversation. Mais en ayant fait l'observation, mon ami que je rencontrais devant la porte, et il m'assura qu'il connaissait une autre dame de qui la manie était l'éducation et de qui les doctrines et la manière de les développer étaient bien plus absurdes encore que la philosophie de l'âme de Madame X. Mais n'ayez pas peur, je ne vous ferai pas faire sa connaissance, car je mets tous mes soins à la rencontrer le moins possible. Connaîtriez-vous quelques dames anglaises qui se soient aussi consacrées à l'étude de l'âme ? Je suis charmé de vous dire que je n'en connais point.